Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête. Foutons le camp de ce trottoir. Viens Jeff, viens. Viens, viens. Viens. Il me reste trois sous. On va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens Jeff, viens, viens. Il me reste trois sous. Et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules. Et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de sangloter, arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff, mais viens, viens. Viens. Il me reste ma guitare. Je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Jeff, viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol, Jeff. Puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique. Où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric, Jeff, viens. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais.